Bertrand Tatina, un communiqué assez clair quand même d'un gouvernement, d'un État qui voudrait se départir de toute velléité de déstabilisation avec un voisin, ami et frère, qu'est le Tchad, parlant de la République centrafricaine. Comment analyser aujourd'hui véritablement tous ces faits d'actualité qui eh bien, se foisonnent et semblent véritablement dénoncer, alors laisser entrevoir une véritable dynamique mise en place de déstabilisation de la République centrafricaine et bien par-dessus tout le golfe de Guinée. Oui, mais est-ce que c'est nouveau d'ailleurs? Votre titre prête à confusion. La Centrafrique refuse de service de base arrière pour l'initiative de déstabilisation du Tchad. Et nous avons un certain Ali Erika qui prépare, dit-on, une invasion de la Centrafrique à partir du Tchad. Donc, le courrier que vous dites, les autorités centrafricaines refusent ça. C'est une évidence qu'un pays comme la Centrafrique, qui a vécu de 2 décennies de déstabilisation, puisse déstabiliser le Tchad. La Centrafrique est justement aujourd'hui dans une véritable diplomatie communautaire pour que les pays de la CENAF puissent apporter de leur soutien. Comment vous croyez que quelqu'un qui est en exercice aujourd'hui à la tête de la conférence des chefs d'État au sein de la CEMAC puisse pouvoir déstabiliser? Pour moi, il n'y a même pas lieu de faire un débat là-dessus. Vous avez une rencontre à Yaoundé, le président camerounais remet le drapeau de la CEMAC à son homologue centrafricain. C'est même déjà un geste politique relativement fort. Nous avons fait une émission ici pour expliquer que il faut une véritable solidarité au sein de la CEMAC. On ne préfère pas rentrer dans des débats politiques. Qu'il faut une véritable solidarité au sein de la CEMAC. Que tous les pays de la CEMAC se valent. Tous les pays de la CEMAC, effectivement, ont intérêt forcément dans l'autre. Donc, il faille qu'on construise une véritable solidarité des peuples, une véritable solidarité des institutions, une véritable solidarité d'entraide économique au sein de la CEMAC. Moi, j'ai souvent l'habitude de réfuter cette histoire de « Oui, le pays Cameroun, pays leader de la CEMAC. » Oui, si le Cameroun est pays leader de la CEMAC, le Cameroun n'a pas le droit de se comporter comme on a vu dans la situation du rapport que nous avons eu avec le Tchad dans cette histoire de Savannah Mainstream. Quand vous êtes pays leader, vous êtes aussi leader dans l'éthique. Vous êtes leader dans la morale. Vous êtes leader dans le respect des autres. Vous n'êtes pas leader, oui, de façon naturelle, et puis vous êtes leader dans les coups fourrés. Vous n'êtes plus sérieux. Vous n'êtes plus sérieux. Dans la Centrafrique, en ce moment, le président Touadéra, c'est le président en exercice de la CEMAC. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que samedi, il était sur Yaoundé. Tout à fait. Yaoundé qui est en train de pacifier ses relations avec le Tchad. En tout cas, d'éclaircir cette situation qui semblait être floue. De la clarifier. Et nous avons, si on s'en tient au communiqué, au sorti de sa réception avec le président Déby, du ministre d'État, secrétaire général de la présence camerounaise, a expliqué que, eh bien, tout est revenu au beau fixe. Et le président Touadéra est venu rencontrer le président camerounais. Mais on peut, sans avoir participé aux discussions, comprendre effectivement qu'il y avait un certain nombre de débats. La première chose, c'est qu'il hérite... Il hérite de la suite du travail mené par le président camerounais, c'est-à-dire un certain nombre de travaux. On peut ne serait-ce que déjà prendre la question monétaire sur la question de France CFA. Puisqu'au communiqué, à la sortie de la rencontre de Yaoundé, il y a eu un communiqué qui expliquait que les présidents vont continuer à élargir la réflexion. Donc il hérite déjà d'un dossier où il faut continuer à élargir la réflexion. Donc il est tout à fait normal qu'il puisse rencontrer, c'est-à-dire que le président de la CEMAC qu'il précède, pour effectivement déjà avoir un certain nombre d'avis. Deuxième des choses. Mais la Centrafrique a fait une rencontre des investisseurs des BRICS il y a plus longtemps. Et il est question de mettre sur pied un certain nombre de projets. Mais comment vous faites pour mettre ces projets en Centrafrique sans véritablement l'intégrer dans une vision communautaire? Pourquoi? Parce que la Centrafrique va être un véritable pôle de croissance. Le président Touadéra a absolument envie de gagner ce qu'on va appeler la question de sous-développement dans son pays. Donc, il faut absolument que ces projets mis sur pied par les BRICS puissent voir le jour. Mais si ces projets mis sur pied par le BRICS voient le jour, ben il est le président de la CEMAC donc a intérêt à ce que tous les pays de la CEMAC puissent profiter de ça. Tout à fait. Comment vous pouvez vous imaginer? Donc on peut donc se dire que ces électrons libres, le Habib Ali Iréka et tous ces petits rebelles là ne sont pas portés par un pays de la CEMAC. Au contraire. Sont portés par ceux qui ont intérêt aujourd'hui à ce que ces projets ne voient pas le jour et qui ont perdu pied au sein de la CEMAC. perdus puis au sein de la CEMAC. Si on regarde l'Afrique centrale d'une façon globale, c'est-à-dire la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC est une entité de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mais si vous regardez bien, 70% des richesses de cette communauté-là se retrouvent au sein de la CEMAC. C'est-à-dire que ce soit en termes de pierres précieuses, en termes de position stratégique, en termes de pétrole, en termes de gaz, en termes. Donc c'est une région relativement extrêmement riche. Donc un pays comme la Centrafrique a d'autant plus besoin de paix que, un, il faut relancer la machine économique. Deux, aujourd'hui, il faut bâtir une véritable alliance des peuples. Moi, j'ai regardé un peu rechercher quelques informations sur ce Ali Habib Ireka. On ne voit pas grand-chose. Mais quand vous regardez ce monsieur, il a le faciès un peu des individus que j'ai retrouvés dans le groupe armé qui était venu faire assassiner, qui avait assassiné le président Déby. Le fact. Ouais. Regardez un peu le faciès des gens, des militaires, des mercenaires et des terroristes qui ont accompagné les leaders du FAC au Tchad et qui ont malheureusement assassiné quelqu'un qui comptera à vie pour nous, pour les panafricains du présent débit. Vous retrouvez ce faciès. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il n'a rien pour moi d'un centrafricain. Il n'a absolument rien d'un centrafricain. Il me donne l'impression d'être une forme de mercenaire soudanais, somalien, érythréen, peut-être éthiopien, très certainement libyen, porté par un certain nombre d'intérêts pour les besoins de la cause. Et on peut se poser la question à cette allure-là. Nous, on peut tout simplement dire aux responsables centrafricains d'accélérer le processus de mise sur pied d'une véritable armée nationale. Et des villes comme Birao, Obo, Boar, à la limite Bossangwa, Nola, dans le sud du Cameroun, doivent être des villes qui sont aussi des bases militaires pour l'armée centrafricaine. Parce que si on prend les deux villes, Birao et Obo, ce sont des villes qui donnent au Soudan, et généralement qui donnent au Soudan du Sud. Et si la République centrafricaine n'arrive pas à mettre sur pied rapidement, il faut accélérer ce processus avec l'appui de la coopération russe, une véritable base militaire à ce niveau, il y aura toujours des incursions. Surtout que nous l'avions dit ici. Vous avez des intérêts étrangers à la CEMAC qui ne veulent absolument pas que le président centrafricain réussisse sur le plan économique. Il réussisse en quelque sorte à pacifier son pays et à relancer l'économie. Donc il sera harcelé comme ça. Et on va aller plus loin. C'est-à-dire que dans ce harcèlement-là, on va réveiller la fibre tribale. On va mettre en rivalité les communautés. On va interpréter, c'est-à-dire que même certaines nominations du président sur la base purement communautaire. Et à l'intérieur, il risque d'avoir des tensions communautaires. Et quand vous avez des tensions communautaires à l'intérieur d'un pays, ça fragilise même l'armée, même tout simplement les capacités de défense nationale. Donc, moi, je crois que le Tchad, qui a défendu de façon énergique sa souveraineté dans le domaine pétrolier, ne peut pas aussi se projeter dans une campagne de déstabilisation vis-à-vis de la Centrafrique. J'y crois pas du tout. C'est pas dans l'intérêt du Tchad. Le Tchad est même sur le plan politique aujourd'hui en transition. Le président Mahamat fait face aussi à une forme d'insécurité à sa frontière est. Donc, je crois pas. Il est attaqué aussi, harcelé par Boko Haram. La République centrafricaine est relativement tournée après avoir repris et pacifié le pays sur pratiquement 90%, le président Touadéra s'est tourné, je crois, relativement sur la mise sur pied d'investissements économiques qui peut relancer l'activité. D'accord. Donc, je crois qu'il faille apporter un soutien à la République centrafricaine et d'attirer l'attention, et c'est en ça que on va d'ailleurs se focaliser sur l'individu Habib Ali Iretta. C'est en ça que l'interpellation des panafricaniens, vous appelez il y a quelques semaines, nous avons convié la presse ici, d'ailleurs vous étiez là, à l'hôtel Beau Séjour Sud-Ouala, pour attirer l'attention de l'Union africaine et même de l'Afrique, de se dire que voici un pays qui, à partir de ses petits moyens, arrive à pouvoir installer un peu de paix et de quiétude pour ses populations, mais qui est relativement harcelé. Et on ne comprend pas pourquoi l'Union africaine n'en fait pas un véritable problème, vu la situation de la République centrafricaine au cœur de l'Afrique et ce que peut représenter ce pays. Donc, Ali Habib Iretta, pour moi, c'est tout simplement un mercenaire porté par les puissances étrangères. Je répète encore, quand vous regardez le faciès de ce monsieur, il me donne plus l'impression d'être un Libyen aux intérêts portés par un certain nombre d'intérêts et chargé aujourd'hui de faire le sale boulot qui est en train de vouloir se jouer. D'accord. Merci à vous, Bertrand Tatina. C'était d'ailleurs des... Afrique Média. Le monde, c'est nous.